Qu'est-ce que tu cherches, quoi? Tu sais que c'est rase. Qu'est-ce que tu cherches, quoi? Tu sais que c'est rase. Ah ouais, plus rase. Oh. Trop mis ton appui alors que les conflits durent. Les temps sont durs, laisse-moi tourner le dos à ces casseurs de sucre, ces baisseurs de flûte, ces lécheurs de huc. De moi j'aurais d'une, oui, je ramasse des prunes sur la finitude. Mais malgré tout ça, j'ai assez de recul pour pas perdre la boule. Mais quand je prends le micro, écoute comme j'articule, c'est trop le futur. J'ai tellement de flow que la prod me sert de cuve, où je rafale de douille, tous ces chercheurs d'embrouille qui veulent ma peau, tout s'azimut. Quand je retrouve la rue, la dounia me bouscule, les chitans se regroupent avec les dures lois de la jungle, les fines particules de mes ex-habitudes. Moite-moi ce dog, là y'a des sous, moite-moi cette poule, au body de ouf. Cherche qui joue avec un seul atout, oui, pas mal du tout. T'as cru que mes couilles, remplace ma tête. Allez, cache-moi ce boule, puis tracez la route et allez vous faire foutre. Ouais.